Toujours en Corée du Sud, selon le journal d'internet Tazu Sibo, plus de 1450 personnalités des milieux ouvriers, religieux, civils et autres ont tenu le 18 octobre une conférence de presse à Séoul pour témoigner du soutien à la grève générale des ouvriers contre la politique antipopulaire des autorités. Par ailleurs, selon une information, un député du Parti démocratique de Boulot, parti de l'opposition, a dit avec ironie le 17 octobre que Bakounet, qui débite des propos absurdes pour rendre plus compliqués les rapports Sud-Nord, est comme une speakerine du haut-parleur contre le Nord.